Les progrès de la science. Que de merveilles ont été réalisées par la science, cette prodigieuse exécutrice des desseins conçus par la pensée humaine. C'est grâce à cette ingénieuse libératrice que l'humanité, captive de mille nécessités matérielles, s'est affranchie de plus en plus. Héritière des résultats acquis par maintes générations chercheuses de vérité, la science, en incomparable ouvrière de la civilisation, s'est révélée l'inventrice de progrès étonnants. Et il n'est aucune nation un peu prospère qu'il ne soit sa débitrice. Telle une enchanteresse, elle joue avec les forces naturelles et comme pourvoyeuse de l'industrie, elle les transforme à son gré en chaleur, en électricité, en lumière ou en énergie mécanique. Infatigable voyageuse, elle suit les astres dans leur course ou scrute les abîmes de l'océan. Maîtresse de l'espace, elle s'affranchit de la distance et du temps lui-même.